je ne compte pas sur toi. Pour faire brûler ma joie. Je suis habitué à finir déçu. Je ne suis pas ton type. Personne, jolie Allison, tu es une vraie femme, faite pour un vrai mec, ceux qui vendent de la cam. Je suis une lopette. Qui t'écrit des chansons? Qui ne plaise à personne? Jolie Allison, de tes grands yeux brûlants. À ta peau si parfaite, au charme de tes fesses, tu n'es pas faite pour moi. Ma vie est monotone. Jolie Allison, on se retrouvera dans une vie parallèle. Où tu seras pour moi. La femme la plus belle je t'inviterai chez moi je sais faire l'épée de nonne jolie Allison.